Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Eureka! C'est peut-être la première chose que vous enfilez le matin. Un slip, une culotte, un string, un boxeur. Tous les jours, sauf peut-être le dimanche. On préconise de les changer régulièrement. Peut-être aussi que vous agrafez un soutien-gorge, une brassière, un push-up. Cette petite routine quotidienne du sous-vêtement est l'héritière d'une histoire millénaire. Les linges de corps ou la fabrique de l'intimité. L'invention de ces secondes peaux, de ces objets d'hygiène, remonte à la plus lointaine antiquité et se poursuit jusqu'à nos fonds de placard. Tous en slip, c'est notre invention du jour, une invention culottée. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler du dessous des dessous, nous avons la grande joie d'accueillir en direct dans les studios de France Culture, Denis Brunat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien et historien de l'art, professeur à l'école du Louvre et conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs de Paris. On vous doit cet ouvrage de référence, La mécanique des dessous, une histoire indiscrète de la silhouette, ainsi que l'histoire des modes et du vêtement du Moyen-Âge au XXIe siècle, aux éditions textuelles. Nous sommes également en ligne avec Catherine Ormen. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes conservatrice du patrimoine, historienne de la mode et la co-autrice de L'histoire de la lingerie aux éditions Perrin. Alors merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Pendant tout l'été, Eureka va explorer les histoires des grandes découvertes ou grandes inventions de l'humanité. Et aujourd'hui, on porte la culotte. Mais mademoiselle, vous plongez en gaine? Évidemment, puisque c'est une gaine scandale. Je peux laver ma gaine tous les jours si ça me plaît. C'est une gaine scandale. C'est une scandale, il faut bien qu'on le dise. C'est une scandale, une vraie scandale. N'en point porter, voilà qui scandalise. Il n'est qu'une gaine, et c'est la gaine scandale. Ah, Denis Brunat, je vous vois sourire à cette archive. Ah oui, parce que la gaine est une véritable histoire. La gaine a été vraiment le grand dessous des années 1920 et on a porté des gaines en France jusqu'en 1980. Moi, je me souviens, lorsque j'étais enfant, il y avait des publicités à la télé pour la fameuse gaine 18 heures. Et on voyait des dames d'un certain âge à la télé qui parlaient précisément de leur besoin de porter cette gaine. Alors, vraiment. C'était en effet une pépite de 1947, pépite publicitaire. Mmh. Alors, depuis le 19e siècle, le sous-vêtement est un produit de consommation de masse. Mais le premier sous-vêtement, la première fois, c'était quand? C'était il y a très longtemps, en tout cas dans la plus haute antiquité. En tout cas, on a quelques textes, on a des images qui nous permettent, je dirais, d'avoir quelques bribes précisément pour parler du vêtement, du sous-vêtement dans l'antiquité égyptienne. En regardant par exemple les peintures dans les monuments funéraires, on voit que les hommes portent un pagne qu'on appelle tchengit. On sait également par exemple que des femmes dans l'antiquité grecque portaient une bande vraisemblablement de lin, à la fois chez les femmes grecques comme chez les femmes romaines. Donc c'est le strophion pour les grecs, c'est la podesme ou c'est le mamilar pour les femmes romaines, qui est donc une bande de lin qui permettait de soutenir les seins. Mais peut-être le vêtement qui... Alors, bien évidemment, cette bande serait le plus lointain ancêtre du soutien-gorge. Mais on a aussi le chiton que portaient à la fois les hommes et les femmes de la Grèce. Et le chiton est une sorte de chemise, une sorte de tunique assez large, assez ample, plus ou moins courte, plus longue pour les femmes, plus courte pour les hommes. Et ce qui est très intéressant, c'est que le chiton est vraisemblablement l'ancêtre le plus direct de la chemise, et la chemise a été le dessous, je dirais, le plus courant, en tout cas celui qui a eu la plus longue histoire, puisqu'on peut le voir au XIIe, XIIIe siècle, et on a même porté des chemises comme dessous en France jusqu'au début du XXe siècle. Catherine Ormen, sur ces premiers sous-vêtements, l'origine, les primitifs, les culottes primitives. En fait, les femmes n'ont pas porté de culottes pendant très très longtemps. Et en Occident, il faut attendre l'arrivée de la crinoline, qui était cette cage métallique sous le Second Empire, qui était énorme et qui risquait de passer cul par-dessus tête et de dévoiler l'intimité féminine. Donc à ce moment-là, on a commencé à vouloir protéger cette intimité, donc à porter des pantalons de lingerie, les indescriptibles, comme on les appelait, ou les innommables. Et ces pantalons-là étaient ouverts parce que, évidemment, il fallait pouvoir procéder aux besoins naturels. Et pendant très très longtemps, cette culotte, en fait, n'était pas portée par les femmes. Les femmes avaient une robe flottante et le sexe de la femme était ouvert, à disposition. Ce n'est pas une vision féministe que de dire ça, mais il suffisait de retrousser les sous-vêtements pour accéder à l'intimité féminine. À partir du Second Empire, on a commencé à porter ces culottes, donc qui sont l'ancêtre de nos strings, et tout au long du XXe siècle, en fait, la femme va refermer son intimité. D'abord avec des culottes qui étaient plus ou moins ouvertes ou fermées dans les années 20, des espèces de combinaisons gaines aussi, qui avaient parfois une patte à l'entrejambe. Et puis, on va avoir, dans les années 60, précisément au moment où la femme peut disposer librement de son corps, avec la pilule contraceptive qui va apparaître en France à partir de 1967, on va voir ce sexe se refermer de trois manières différentes, avec la culotte, le slip en fait, plus des collants qui apparaissent à partir qui se diffusent à partir de 1965, et le pantalon. Donc trois couches au moment même où la femme va pouvoir disposer librement de son corps, alors que pendant des siècles et des siècles, son sexe était caché sous l'ampleur des jupes, mais était ouvert. C'est voilà. Le paradoxe de la révolution sexuelle. La culotte se ferme au 20e siècle. Alors, pour revenir quand même sur ces temps reculés, je voudrais vraiment qu'on passe un tout petit peu plus de temps sur ces chenjites égyptiens, ou même sur ces sortes de bikinis qu'on voit chez les Grecs et dans l'Antiquité. Quelle est l'utilité première du sous-vêtement? L'utilité première du sous-vêtement, c'est de faire une transition entre la peau, donc le corps nu, et le vêtement de dessus, le vêtement qui se voit. C'est-à-dire, c'est véritablement, on va dire, un vêtement très souvent, je dirais, léger, dans un matériau naturel, dans un matériau aussi, c'est-à-dire une toile qui peut se laver. Il faut faire la différence, comme aujourd'hui encore, entre le vêtement qui se lave et le vêtement qui se nettoie. Donc le sous-vêtement, et ça a été le cas pendant toute l'époque médiévale, moderne, à la fois les sous-vêtements, donc comme les fameuses chemises de lin, c'était véritablement donc les vêtements que l'on lavait dans les maisons bourgeoises. Au XVIIe, XVIIIe siècle, on les confiait aux blanchisseuses qui venaient les prendre dans les maisons, qui allaient ensuite les laver dans les faubourgs, par exemple dans les faubourgs de Paris, parce qu'il y avait la place aussi après pour étendre le linge, et qui ramenaient le linge. Donc vraiment, le rôle premier, c'est de faire une transition. C'est pour ne pas porter un vêtement peut-être trop lourd, trop rugueux directement sur le corps. Oui, ça protège la peau des frottements, c'est ça ? Essentiellement, et peut-être aussi que plus symboliquement, c'est, étant donné que le rôle premier du vêtement est de couvrir, peut-être c'est une couverture, ça va être une enveloppe, une pellicule symbolique avant d'arriver au corps nu, en quelque sorte. Catherine Ormen ? Oui, parure, pudeur, protection. Alors, durant l'Antiquité, il y a aussi une mosaïque assez célèbre, hein, de la villa romaine du Cassal, une villa antique de la fin du IIIe siècle. Et sur ces mosaïques, on voit des athlètes, des femmes qui portent donc ces sortes de bikinis du subligaculum. Ce sont des représentations assez étonnantes parce que très contemporaines. C'est très étonnant parce qu'on veut toujours faire dater le soutien-gorge féminin. On veut le faire apparaître essentiellement dans les années 1885-1890. Après, il y a aussi une autre école d'historiens qui dit que c'est Paul Le Poiré qui aurait véritablement donc créé le soutien-gorge, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais toujours est-il, on se rend compte de la permanence des formes, parce qu'il y a une permanence à la fois des usages. Là, on voit en effet des femmes qui font une activité physique, sorte sorte de sport et pour le confort de leur corps, le confort de leurs mouvements. Elles portent en effet, je dirais, des culottes, je dirais très courtes, je dirais des culottes qui ressemblent beaucoup à celles que les femmes et les hommes portent de nos jours. Et cette fameuse bande, en effet, qui soutient la poitrine et qui permet précisément à ces femmes de faire toutes sortes de mouvements. Je range tout ce qui traîne dans mon slip. Je range tout ce qui traîne. Mon slip, c'est ma boîte à outils. Vraiment, chez moi, c'est une maison. Je ne veux pas pour mes étrennes d'un caleçon en laine. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Alors nous venons de découvrir la culotte antique. Mais alors, quand est-ce qu'apparaît la culotte telle qu'on la connaît, telle qu'on la porte aujourd'hui, Catherine Ormen? La culotte sans jambes. comme je vous le disais tout à l'heure, les pantalons de lingerie ont raccourci et il y a cette invention de la culotte petit bateau en 1917 qui était destinée d'abord aux enfants et qui va se diffuser après pour les adultes. Donc une culotte sans jambes, une culotte qui embrasse simplement le bassin. Et ça, c'est à partir des années 20, on commence à en voir des culottes en maille, en jersey, qui sont souples et confortable. Denis Brunat. Oui, aussi, il faut parler des découvertes qui ont lieu en 2008 au château de Langberg en Autriche, qui ont considérablement renouvelé notre connaissance du vêtement et du sous-vêtement. On a découvert en faisant donc des travaux dans la voûte, dans une des voûtes du château, plus de 3000 fragments textiles. Et parmi ces fragments, on a retrouvé 4 à 5 pièces de lingerie, 4 à 5 pièces de sous, notamment des bustiers à sac et des chemises à sac. Et ces chemises à sac, plutôt ces bustiers avec ces sacs, ressemblent étonnamment aux soutiens-gorge, puisque les sacs sont les équivalents des bonnets. Et on a découvert également une sorte de culotte qu'on appelait à l'époque donc vers 1450, puisque c'est très bien daté. En effet, toute cette découverte peut être datée au carbone 14. Et en effet, on a découvert donc des braies, donc des culottes pour hommes, qu'on connaissait déjà à travers l'iconographie. Quand on voit par exemple des martyrs de saints, comme Saint Sébastien, qui est très souvent représenté nu ou alors presque nu puisqu'il a une sorte de slip autour des hanches. Et on a découvert donc dans ce château donc l'équivalent précisément de cette braie. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les textes de ce milieu du 15e siècle, les culottes des hommes deviennent très courtes. Et d'ailleurs, on a un texte qui est vraiment très très beau. C'est d'un lettré italien qui s'appelait Franco Sacchetti, qui ne comprend pas pourquoi les culottes des hommes deviennent aussi petite, et notamment, il dit, les culottes deviennent si petites qu'il semble que les hommes aient mis, je cite, leur cul dans une chaussette. Voilà. Et c'est intéressant de voir au combien, je dirais, cette braie du 15e siècle est étonnamment proche, voire parfois avec une poche frontale, des fameux slips kangourous dont on connaît, je dirais, la première apparition au XXe siècle de 1947. Oui, c'est entre ces pièces historiques dont vous parlez et l'invention de Étienne Valeton qui invente la culotte sans jambes, petit bateau. J'ai l'impression que, enfin, on a l'impression d'une histoire du slip qui passe son temps à se raccourcir, à reprendre du tissu, à en regagner. Que c'est au gré du temps. Ben c'est le propre de la mode. Vous savez, une mode apparaît pour venir en chasser une autre. Comme je dis très souvent, si vous avez la mode du court, vous pouvez être quasi certain qu'on va vite connaître la mode du long. Et dans le domaine de la lingerie et des sous-vêtements, je dirais, on retrouve le même schéma. Et aussi en fonction, bien sûr, des évolutions de la société, en fonction aussi de l'évolution du corps, le sentiment que l'on peut porter sur son propre corps. Catherine Dorbert, je voudrais aussi qu'on revienne sur, en tout cas, ce prototype qui est la culotte petit bateau en 1918 avec Étienne Valeton. Il a aussi, quelle est aussi l'innovation de ce prototype? Mais l'innovation, c'est de pouvoir se laver. C'est quelque chose qui est d'abord pratique. C'est encore une fois pour les enfants, donc pour les garçons et pour les filles. Donc c'était assez simple. Le modèle était très simple. Et puis après, il va se diffuser pour les adultes. Et c'est-à-dire que je vois aussi qu'il remplace les boutons par une ceinture élastique. Et aussi ça, oui, qui rentre. Oui, absolument. C'est la praticité de l'objet qui est importante à ce moment-là. On perd moins de temps et c'est aussi plus confortable. Le confort va jouer un rôle fondamental dans l'histoire de la mode, en particulier pendant tout le XXe siècle. On sait comment aussi Étienne Valdon a cette idée. La légende, c'est à partir de la chanson « Maman, les petits bateaux ont-ils des jambes ?» Il a coupé les jambes et voilà. Je ne suis pas spécialiste du tout de petits bateaux. Bon, allez, symphonie-vous de bon cœur. Et insistez bien sur les pieds. Le savon et les salles de bain sont là. Allez-y, franchement. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'ils ont nos pieds, messieurs? Je n'en sais rien, ce gueux finasse sans arrêt. Ah. C'est bouilli. Allez, mets-les au corps. Jacouille, frotte-moi. Oh, quel étrange brossoir. Il fera bien l'affaire. Vous vous en sortez? J'ai fini mes ablutions. À toi. Non, messire. Moi, c'était pour la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller. Ah, c'est trop bouillant. Qu'est-ce qui fabrique? C'est bouillant. Ah. Arrêtez de chanter. Ce n'est rien, j'ai dû presser ce marron pour son lavement. Je vais me sécher à la bonne flambée. Vous avez probablement reconnu un extrait du film Les Visiteurs, où l'on voit Godefroy de Montmirail prendre le bain tout habillé. L'histoire du sous-vêtement est liée à la notion d'hygiène. Denis Brunet, à partir de quand justement apparaît cette notion, sous-vêtement comme objet d'hygiène? Oula, à partir, c'est très difficile à dire, mais toujours est-il, on a déjà des textes au XIVe et XVe siècle qui nous conseillent notamment dans des traités de vie domestique qu'il faut précisément laver son linge, en tout cas le linge de corps. Et cette idée va se répandre essentiellement au XVIe siècle, puisque la propreté est avant tout celle du linge. Et quand on voit par exemple le linge blanc, c'est révélateur également d'un corps propre. Cela se développe essentiellement à partir du XVIe siècle, puisque la chemise, comme je le disais tout à l'heure, qui est le vêtement de dessous, va commencer à sortir du vêtement, notamment au niveau des manches et au niveau du col. Et le col va d'abord être un petit col froncé qui va prendre au cours du XVIe siècle une ampleur considérable pour notamment donner naissance à la fraise, au célèbre grand disque de fraise de toile de lin qui, dans les années 1570-1580. Puis la grande aventure de la dentelle. Donc il faut, je dirais, que ces morceaux de linge blanc qui sortent au niveau des manches et au niveau de l'encolure soient particulièrement blancs. Et c'est la blancheur. C'est la blancheur à la fois donc du linge qui va être révélateur d'un statut social, qui va être révélatrice plutôt donc également de la propreté du corps et par extension de la propreté de l'âme. Et après il y a eu un véritable goût aussi pour notamment le linge blanc à la fin du XVIIIe siècle où les chemises que l'on portait comme dessous sont devenues des dessus, donc les fameuses robes chemises dont celle de Marie-Antoinette a fait scandale en 1783, puisque le portrait de Marie-Antoinette montrait la reine avec une chemise blanche et c'était tellement scandaleux à l'époque parce que la reine se montrait dans une robe qui reprenait à la fois les formes, les couleurs, les volants des dessous, donc vraiment des vêtements les plus intimes. Et puis la blancheur aussi va connaître une date essentielle, c'est-à-dire elle va franchir une étape tout à fait décisive en 1785. 1785, lorsque Berthollet va précisément donc utiliser de l'eau chlorée qu'il va mélanger à du potassium dans le village de Javel, près de Paris. Et c'est la naissance de l'eau de Javel que l'on va beaucoup utiliser tout le 19e siècle et encore au 20e siècle. Notamment, on met quelques gouttes d'eau pour notamment blanchir le linge. Toujours la quinte, notamment du linge blanc. Et vous l'évoquiez, est-ce que le soutien-gorge, les sous-vêtements, est-ce que c'est une question de classe? Dès le 14e et 15e siècle, est-ce que tout le monde porte des sous-vêtements? Est-ce que tout le monde porte ses chemises? Oui, la chemise est vraiment le vêtement de dessous que toutes les classes sociales portent. Après, je dirais, si la forme reste à peu près la même, c'est le matériau qui va faire la distinction sociale. Par exemple, les classes les plus hautes de la société vont porter des chemises de lin, mais un lin de très belle qualité, très fin, avec un tissage particulièrement fin. Et plus on va descendre dans les groupes sociaux, le matériau va être beaucoup plus grossier, moins cher, jusqu'à parfois porter notamment des chemises de chanvre, qui étaient de loin le matériau le moins cher. Alors à partir du 16e et du 17e, j'ai lu que les sous-vêtements ont pour fonction d'absorber la crasse. Est-ce que c'est vrai ? Ils absorbent pas vraiment la crasse, ils absorbent la sueur, puisqu'on ne prenait pas véritablement de bain. On pouvait en prendre, mais c'était pas du tout répandu dans les manières, dans l'éducation de l'hygiène à l'époque. Il faut encore véritablement attendre la fin du XVIIIe siècle. Par conséquent, on faisait ce qu'on appelait une toilette sèche. Donc on prenait notamment des linges, essentiellement donc du lin, parce que le coton coûtait vraiment très très cher. Et donc on pouvait imbiber ce linge avec de l'eau ou parfois parfumée, et donc on se tamponnait un petit peu partout sur le corps. Et par conséquent, la chemise de lin pouvait aussi faire office au quotidien, précisément, donc d'absorber cette sueur. Catherine Ormen ? Oui. Oui, non, mais je voulais dire ça. On a peur de l'eau depuis les grandes pestes. On pensait que l'eau rentrait dans les pores de la peau et transmettait des maladies. Donc on a progressivement cesser d'aller dans les étuves, dans les bains de vapeur, parce que la promiscuité des corps d'abord était très mal vue par l'Église, et puis parce que on avait cette peur de l'eau. Donc la toilette est devenue une toilette sèche et morcelée, et elle n'était pas d'autant plus qu'il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons, que c'était pas pratique de se laver avec de l'eau, et donc cette lente réappropriation de l'eau se fait au cours du XVIIIe siècle. Et justement, Denis parlait tout à l'heure des chemises de la reine Marie-Antoinette. Son scandale venait aussi du fait que c'était du coton, et que ce coton venait d'Angleterre. C'était pas une matière française, ça mettait pas en valeur la soie française. Mais ce coton blanc révélait la fraîcheur de la peau, d'une peau qui, de nouveau, faisait usage de l'eau. On recommence à prendre des bains à partir de la moitié du XVIIIe siècle, et on a cette nouvelle sensation de fraîcheur. Et ça, Georges Vigarello l'a très bien expliqué dans Le propre et le sale, toute cette histoire de l'hygiène et de cette lente reconquête de l'eau pour la toilette. Oui, en quelque sorte, c'est parce que l'aversion pour l'eau au Moyen-Âge qui mène à la banalisation du sous-vêtement, c'est ça, Catherine Ormen ? Non, mais le sous-vêtement va justement être le seul moyen de témoigner de la propreté, puisque porter du linge et du linge blanc, et c'est aussi un signe de richesse. Seuls les pauvres font la lessive, leur lessive tous les jours, parce que le linge se thésaurise, on l'amasse, c'est ce qu'on apporte avec la dot, c'est quelque chose de précieux. Tout ce qui est de l'ordre de la lingerie fait partie du testament. Le tissu est précieux, on va se le transmettre de génération en génération, on va user le tissu jusqu'à la corde, et même le linge intime est consigné sur les actes notariés, sur les testaments, pour être transmis à la génération suivante, chose qui nous paraît maintenant complètement, complètement dingue. Oui, vous confirmez en effet que l'histoire du sous-vêtement est aussi une histoire de classe. Oui, absolument. Absolument. Pardon, je vous ai interrompu, je vous en prie. Non, mais je... Voilà. Ouais, très bien. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que tout au long de son histoire, hein, le sous-vêtement reflète les conceptions de l'hygiène et d'une société, hein, et d'une époque, à un moment donné ? Denis Brunat. Oui, parce qu'on s'habille bien sûr en fonction, je dirais, de son sexe, de son milieu social, mais aussi des contextes. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple l'évolution du vêtement ou l'évolution du sous-vêtement à travers l'histoire, on peut, et même c'est à mon sens, j'ai toute la force du vêtement, retracer l'histoire des femmes et des hommes. On a souvent considéré, même les historiens, je dirais, avec l'école des annales, en disant oh, le vêtement c'est de la petite histoire. Mais non, le vêtement c'est un document d'histoire fascinant, parce qu'on est tous obligés de s'habiller. Donc on s'habille en fonction, je vous le disais, de son sexe, de son milieu social, de ses origines, de son milieu professionnel, des circonstances. Par conséquent, je dirais, le vêtement est un document très riche. Catherine Ormen. Oui, et le sous-vêtement est plus mystérieux parce qu'il est caché par vocation. Donc c'est plus compliqué encore à étudier. Alors, on parle de l'hygiène, on évoque l'hygiène du sous-vêtement. On sait que le 19e siècle, c'est le siècle de l'hygiénisme. Catherine Dorminckel, quel impact ça a sur le sous-vêtement ? Alors, c'est un peu une bière à trois bandes là, mais je vais vous parler de l'éducation des jeunes filles. Les jeunes filles étaient considérées comme stupides au milieu du 19e siècle. On les éduquait au couvent et au sortir du couvent, elles pensaient que les hommes étaient nés dans les choux et les femmes et les filles dans les roses. Ça a engendré des tas de problèmes, notamment lors du mariage, lors de la nuit de noces. Elles n'étaient pas du tout au fait des choses de la vie. Et ça provoquait des frigidités, des refus absolus de sexe, etc. Et toute la seconde moitié du 19e siècle, les magazines féminins, guidés par l'Église et par le corps médical, a tenté d'éduquer ces jeunes filles. Et un très joli document de la comtesse de Tramart de 1903 montre que, cette comtesse encourager les femmes à faire en sorte de garder l'oiseau au nid. Et pour garder l'oiseau au nid, il fallait que le nid plaise. Et pour que le nid plaise, il fallait pratiquer une hygiène scrupuleuse, un peu plus scrupuleuse. Il fallait s'adonner à des pratiques être un peu plus ouverte d'esprit pour qu'au lit, le mari ait envie de rester, puisqu'il avait connu les pratiques de professionnels avant le mariage. Et il fallait porter de la jolie lingerie. La lingerie prend vraiment ici une dimension érotique quasiment pour séduire l'homme et faire que le nid soit douillé. Donc voilà, ce rapport entre l'hygiène, la lingerie, la séduction, on le sent bien à la fin du 19e siècle avec toute cette lingerie froufroutante de la parisienne. Oui, c'est même presque des enjeux de santé publique puisque les jeunes filles étaient encouragées à séduire leur mari pour ne pas... Absolument, pour éviter la syphilis, pour éviter les enfants adultérins et pour éviter les maîtresses qui ruinaient les ménages. Donc ça, c'était vraiment un problème de la grande bourgeoisie. La lingerie a son rôle à jouer là-dedans. La lingerie au secours de la santé publique. Au 19e siècle, on vante aussi les mérites des tissus plus souples, plus aérés aussi. Oui. Oui, on vante, ça c'est un différent docteur, alors le docteur Ganichon, le docteur Bernard, fondateur de loin de la marque Obad, le docteur Ganichon étant fondateur de très loin aussi de la marque Chantel, ont mis au point des tissus élastiques pour assouplir le corset. Le corset était quand même à la fin du 19e siècle une entrave à la pratique du sport, on rentre dans une ère où on a besoin de plus bouger. Et ce corset gênait la respiration, gênait les mouvements. Donc, ils ont eu l'idée de munir ce corset de bandes élastiques, de tissus tricotés, donc plus élastiques, plus souples. Et ils vont avoir un grand succès avec ça. Voilà, ça c'est le premier pas d'une transition, comment aménager un corset pour qu'il soit plus confortable. Paresseuse, paresseuse, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. Pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance. Savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate. watt qu'elle préfère. C'est la watt. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la watt. Il est 16h30 sur France Culture et vous écoutez Eureka. Nous parlons aujourd'hui de négligé de soi, ou plus précisément de l'invention du sous-vêtement, avec nos deux invités du jour, l'historien de l'art et conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs de Paris, Denis Brunat, et la conservatrice du patrimoine et l'historienne de la mode, Catherine Ormen. Alors nous venons de voir comment les slips et les culottes sont devenus ces objets d'hygiène. Mais le sous-vêtement, ce n'est pas forcément ce qui est caché, c'est aussi ce qui façonne une silhouette. Denis Brunat, cette idée de sous-vêtement comme quelque chose de capable de sculpter un corps, c'est une idée qui apparaît quand ? On a à nouveau des premières traces au cours du XIVe siècle, d'abord à partir notamment des vêtements masculins. C'est-à-dire que la mode, à partir des années 1330-1340, pour les hommes, est de porter un pourpoint, qui est un vêtement qui va donc couvrir les parties hautes du corps, qui s'arrête au niveau de la taille, au niveau notamment des cuisses, pour les parties les plus basses. Et ce pourpoint est étonnamment bombé sur le devant. Et donc on sait que ces pourpoints étaient rembourrés de vieux chiffons, de bourres, de coton, car la silhouette masculine devait être ainsi, donc très serrée à la taille, et avec une poitrine, un buste particulièrement rond. Un petit peu plus tard, cette mode va changer, mais aussi du côté des femmes, on voit apparaître un corsage très serré. Et on va retourner à, en quelque sorte, un idéal de la silhouette féminine qui est déjà clamé dans les chansons de gestes au XIIe et XIIIe siècle, en disant que la femme idéale doit avoir la peau blanche, doit être assez grande, doit avoir les cheveux blonds, les yeux clairs, mais elle doit avoir aussi une taille très mince et notamment une poitrine haute. Et ce goût, on va dire, pour la poitrine haute et la taille mince, et d'ailleurs au XVIIe et au XVIIIe siècle, on disait qu'il fallait avoir belle taille et gorge haute. On le voit au 16e, 17e, 18e, 19e avec les corsets et on apportait toutes sortes à la fois de dessous, c'est-à-dire de sortes de vêtements qui étaient donc dissimulés sous le corps et qui avaient la fonction de modifier le corps pour donner une silhouette particulière et les dessous façonnants sont de deux sortes. Il y a ceux qui vont donc intervenir sur le corps comme par exemple tous les corsages très serrés qui vont donc agir sur la taille, sur la cage thoracique pour véritablement faire une taille fine. Il va y avoir ensuite ceux que l'on va ajouter sur le corps qui vont donc donner un volume particulier. Ça a été donc les vertus gadins, sorte donc de construction que l'on attache au niveau donc des hanches. Puis il y a eu les paniers au XVIIIe siècle et ensuite il y a eu les crinolines au milieu du XIXe siècle, les tournures, les faux-culs à la fin du XIXe siècle. Et ensuite il y a eu par exemple la gaine à partir de 1920. La gaine de 1920, c'est la transformation du corset puisque la mode est au corps longiligne vers 1910-1915 et par conséquent le corset du 19e siècle commence à baisser, à descendre. Il faut désormais donc intervenir sur le ventre et sur les hanches et ce corset en descendant sur les ventres, sur les hanches va dégager la poitrine, d'où l'usage très fréquent à partir de cette époque du soutien-gorge. Et on dit désormais que les femmes ne portent plus de corset dans ces robes très fluides des années 1910-1915, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que quand on regarde des catalogues des grands magasins de l'époque, quand on va véritablement vers les sources, on s'aperçoit que par exemple pour porter les robes de Paul Poiret, des robes soi-disant sans corset, les femmes n'ont pas le corps pour. Puisque imaginez une femme de 35 ans en 1910-1915 qui veut porter une robe longiligne, elle a une taille très serrée, par conséquent elle a les hanches qui sont donc développées, la poitrine est haute, par conséquent il faut porter des corsets spéciaux pour pouvoir enfiler une robe sans corset. Donc l'histoire, on va dire, des dessous qui façonnent la silhouette commence au XIVe siècle. Mais on a eu, par exemple, un retour de la gaine au Salon international de la lingerie en 2012. Alors on ne l'appelle pas gaine, parce que gaine, ça nous rappelle un peu le sous-vêtement de nos grands-mères. Mais donc on appelait ça maintenant le shapewear. Donc c'est vraiment le vêtement qui va donc donner une forme au corps, qui est à la fois féminin et masculin. Et alors ce shapewear, c'est pour point projeté à la poitrine dès le XIVe siècle. On voit c'est pour tout de suite souligner la carrure des hommes. Dès le XIVe siècle, c'est présent. Oui, mais la carrure c'est pour plutôt souligner une partie du corps. Donc, c'est-à-dire au XIVe siècle, l'idéal de beauté aristocratique est d'avoir un buste rond. Donc, c'est vraiment ça part au niveau de la gorge jusqu'au bas-ventre. Ensuite, la silhouette idéale va changer dans la seconde moitié du XVIe siècle. L'homme, pour avoir la belle silhouette, doit avoir notamment un petit ventre. Donc on va avoir des pourpoints rembourrés avec ce qu'on appelle le penseron, c'est-à-dire donc une panse, une sorte de ventre artificiel. Donc on va mettre du rembourrage, parfois même du bois, du fanon de baleine dans les parties basses, donc du vêtement du haut. Ensuite, au XVIIe et surtout XVIIIe siècle, et ça peut nous paraître très étonnant, l'homme aristocratique doit être droit et doit avoir la plus petite carrure des épaules. Par conséquent, on va donc tailler les vêtements pour que les épaules puissent aller le plus en arrière possible et avoir une petite carrure et avoir une sorte de petite rondeur du nubus pour avoir cette silhouette tout à fait aristocratique du XVIIIe siècle. Et la carrure, en tout cas, celle que l'on connaît, pour laquelle on fait notamment du sport, de la musculation, etc., arrive très tard, elle arrive à partir des années 1930, quand notamment les hommes commencent à se déshabiller au cinéma. Je pense à Johnny Westmuller dans Tarzan, on est vraiment dans les années 30. Et ensuite, il y a eu surtout les années 50 avec donc les idoles des jeunes. Je pense à Elvis Presley, Marlon Brando dans Un train moins nommé Désir en 1956, je ne sais plus. Et là, en effet, on commence, je dirais, à se muscler pour avoir presque la même carrure. Oui, pour rester sur le sous-vêtement masculin au fil des siècles, dès la fin du Moyen-Âge aussi, les sous-vêtements permettent de mettre en valeur les attributs spécifiquement masculins, Denis Brunat. Oui, c'est-à-dire que quand le pourpoint apparaît, donc c'est un vêtement court qui s'arrête au niveau de la taille et dont les volants s'arrêtent, en haut des cuisses, donc les jambes sont dégagées. Et ça, c'est une grande révolution, puisque entre le XIIe et le XIVe siècle, les hommes portaient des robes très très longues et pour la première fois, on voit désormais leurs jambes. Donc les jambes vont se couvrir notamment de bas et à l'intersection justement des bas, il va y avoir une poche pour recouvrir les parties génitales et cette poche s'ouvre pour les besoins naturels. Et à partir du XVe siècle et surtout au XVIe siècle, cette poche va prendre de plus en plus d'importance. On l'appelle la braguette, qui va être une poche rembourrée. L'homme ne glissait pas son sexe à l'intérieur de cette poche, mais les tailleurs d'habits mettaient à la fois du rembourrage de coton, de cuir, de soie. Et c'était aussi certes un signe de virilité, mais aussi un signe de haute distinction sociale, puisque plus sa braguette était proéminente, plus on était viril et plus on était riche. Souple, élastique, solide, c'est la gaine Scandale. Tout ce qui touche de plus près la femme est signé Scandale. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Alors nous parlons du sous-vêtement qui sculpte le corps, nous avons parlé des hommes, Catherine Ormen. Pour les femmes, cette idée du sous-vêtement qui sculpte, vous êtes particulièrement spécialiste du 19e siècle, qui est en effet un siècle riche en inventions. Oui, 19e et surtout 20e siècle. Oui, le soutien-gorge, la gaine, le corset, oui. Tous ces sous-vêtements-là ont une vocation de dessiner le corps de la femme, de mettre ce corps dans une certaine ligne, enfin donc avec des formes bien particulières, et de préparer l'arrivée du vêtement. On voit encore dans les années 50 que les grands couturiers tels que Christian Dior travaillent avec des corsetières. À chaque saison, il y a une ligne nouvelle et à chaque saison, ils vont remonter la poitrine, affiner la taille, élargir les hanches, enfin travailler sur le corps. Ce qui m'intéresse, donc justement le document que vous avez évoqué tout à l'heure avec Scandal, c'est cette diffusion de la gaine par la publicité et par des moyens nouveaux qui sont ceux de la grande distribution, c'est-à-dire que ça va être des sous-vêtements qui sont fabriqués industriellement et qui font intervenir une matière nouvelle qui est le nylon. Le nylon qui a été découvert en 1933, qui a été utilisé dès 1938 d'abord pour faire des parachutes et puis ensuite des bas beaucoup plus résistants que les bas de soie, ce nylon va rentrer aussi dans la lingerie et va apporter un certain nombre de bouleversements. Parce que, aussi bien en termes d'hygiène que d'esthétique, ce nylon va être très important. Il se lave facilement, il sèche rapidement, il ne se repasse pas, ce qui pour la ménagère des années 50 va être quelque chose de formidable. Le nylon va pouvoir se teindre aussi dans toutes les couleurs, et notamment dans des couleurs sombres, ce qui va révolutionner l'allure de la lingerie. Jusqu'alors, jusqu'aux années 50, la lingerie se devait d'être blanche ou dans des couleurs chères, dans des couleurs rosées, beige, proches de la peau, pour montrer qu'on était propre d'ailleurs, parce que le noir ne pouvait pas se laver, le noir, la soie noire délavée, et donc ce noir avait mauvaise réputation et était réservé aux prostituées. Avec l'apparition du nylon dans les années 50, on va pouvoir teindre la lingerie dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et donc même dans des couleurs sombres. Et ça va changer, bouleverser le code érotique aussi, puisqu'on va voir apparaître des guêpières noires, et ça va être la référence de la pin-up des années 50, c'est-à-dire une poitrine qui pigeonne, très haute. Les fabricants vont tous se rivaliser d'inventivité pour remonter la poitrine, pour la faire pigeonner. Et puis, la taille très fine, les hanches qui vont être accentuées par des armatures en métal arrondies, la taille étranglée, et puis des flots de jupons qui vont élargir la jupe, qui vont soutenir la jupe. Et on voit très bien cette silhouette des années 50 qui va pouvoir être mise à disposition de toutes les femmes, puisque grâce à des marques comme Scandal, elles vont devenir abordables pour le grand public. Oui, alors vous parlez de la silhouette des années 50, je pense aux apparences entre le 17e et le 19e siècle, on a une homogénéité des silhouettes des femmes et des hommes de l'époque. Alors oui, ce que disait Denis Brunat tout à l'heure est très intéressant parce que dès le 14e siècle, on voit très, très, très nettement la silhouette féminine et masculine se différencier. Les hommes vont avoir ce pourpoint, donc avec ce buste triangulaire et les jambes qui vont être séparées, qui vont être visibles séparément, alors que la femme va rester avec un buste plus ou moins étranglé et plus ou moins aplati ou serré et des hanches qui vont être dissimulées sous les vertugadins, les paniers, puis la crinoline, etc. Et même les fesses accentuées à la fin du 19e siècle avec les tournures, les focus et les poufs. Mais ces périodes, il y a des grandes périodes de dimorphisme sexuel très accentuées, c'est donc ce 14e siècle, ça va être le 19e, ça va être les années 30, les années 50, et puis il y a des périodes où ça l'est beaucoup moins. Quand on voit par exemple le 18e siècle, où l'idéal de beauté c'est d'être effectivement droit, avec les épaules rejeté en arrière aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Une silhouette, la silhouette de l'aristocratie est une silhouette menue, est une silhouette nerveuse, est une silhouette qui est extrêmement redressée. Et on va voir ce redressement être une obsession durant tout le 19e siècle. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on va porter un corset. C'est pour tenir le corps droit, et ça dès la petite enfance. Alors ce corset avec l'étroitesse de la taille, on a souvent cette image de ces femmes dans les films, de ces femmes qui s'évanouissent en les portant. Ça, c'est une idée fausse, Denis Bonnat. Oh non, pas du tout. Il y a à la fois, bien sûr, des femmes qui s'évanouissent, mais il y a eu aussi des véritables drames, je dirais, à la fois avec, je dirais, les corsets et notamment les crinolines aussi, qui allaient avec des années 1850. Les crinolines ont pris une ampleur considérable à partir des années 1855 jusqu'en 1867-70. Et je dis des drames parce que combien de femmes ont été piégées par les flammes, je dirais, et qui n'ont pu sortir à la fois de leur maison, d'une salle de spectacle, d'une église qui a pris feu. Mais en effet, je dirais, il y a eu énormément aussi d'interventions pour revenir sur le corset de médecins, mais dès le 15e siècle, dès l'apparition donc des lassages trop serrés, au 18e siècle surtout, il y a eu, je dirais, avec le siècle des Lumières, à la fois les penseurs, les philosophes, les lettrés, les médecins, qui intervenaient à la fois sur le vêtement aristocratique, en disant il est beaucoup trop serré, il intervient trop sur le corps. Il faut savoir que les femmes portaient donc des corsets qu'on appelait à l'époque des corps à baleine, comme le disait Catherine tout à l'heure, comme pour le corset au 19e siècle, petites filles et petits garçons portaient de ces corps de la naissance jusqu'à 6-7 ans pour les garçons. Ensuite, les petits garçons s'habillaient comme leur père. Par conséquent, donc, ils abandonnaient le corsage. En revanche, les petites filles portaient jusqu'à leur mort, jusqu'à leur vieillesse. Mais il y avait donc de ces corps à baleine pour toutes les activités, c'est-à-dire à la fois pour faire du cheval, il y avait à la fois des corps qui étaient très serrés lorsqu'on était une jeune femme de l'aristocratie, quand on devait être présenté en grand habit à Versailles à la reine, et il y avait aussi des corps baleinés pour les grossesses, donc qui étaient un peu plus souples, c'est-à-dire qu'il y avait trois lassages, au lieu d'avoir le seul lassage dans le dos, il y avait aussi un lassage à gauche donc et à droite sous les flancs, qu'on détendait un petit peu précisément suivant donc l'évolution de la grosseur du ventre. Et là, il y a eu en effet au cours du XVIIIe siècle des médecins qui se sont dit qu'il fallait qu'on arrête. On nommait le corps à baleine le pressoir à corps, et on est allé vers précisément dans les années 1780 vers des vêtements beaucoup plus souples, dans des robes beaucoup plus légères, et cela a duré jusque vers 1830 parce qu'il y a eu la réapparition du corset dans les années 1830. Le corset contre le corset. Tout le linge de la femme, les dessous blancs qui se cachent, s'étalaient dans une suite de salles, classées en divers rayons. Les corsets et les tournures occupaient un comptoir. Les corsets cousus, les corsets à taille longue, les corsets cuirasses, surtout les corsets de soie blanche, éventaillés de couleurs, dont on avait fait ce jour-là un étalage spécial, une armée de mannequins sans tête et sans jambes, n'alignant que des torses, des gorges de poupées aplaties sous la soie, d'une lubricité troublante d'infirme. Mais, ensuite, le déshabillé galant commençait. Un déshabillé qui jonchait les vastes pièces, comme si un groupe de jolies filles s'était dévêtu, de rayon en rayon, jusqu'au satin nu de leur peau. Ici, les articles de lingerie fine, les manchettes et les cravates blanches, les fichus et les cols blancs, une variété infinie de fanfreluches légères, une mousse blanche qui s'échappait des cartons et montait en neige. Là, les camisoles, les petits corsages, les robes du matin, les peignoirs, de la toile, du nanzouk, des dentelles, de longs vêtements blancs, libres et minces, où l'on sentait l'étirement des matinées paresseuses au lendemain des soirs de tendresse. Un extrait du roman « Au bonheur des dames » d'Émile Zola en 1883. Alors, autre révolution dans l'histoire du sous-vêtement, c'est lorsque ce fameux corset se scinde en deux parties. Le corselet-gorge, hein, Catherine Ormen, ou le premier soutien-gorge de l'histoire, ou presque, on a vu. Est-ce qu'on peut présenter en tout cas la pionnière de cette invention ? Alors, la pionnière, c'est Herminie Cadol, qui est à l'origine de la maison Cadol, qui existe toujours et qui est spécialisée dans la lingerie sur mesure. Alors, Émilie Cadol était féministe, elle était communarde, elle est partie en Amérique latine et elle a monté une maison de corset. Elle est rentrée en France vers 1889 et là, elle s'est aperçue de l'absurdité du système vestimentaire féminin en France. Et elle a décidé de faire quelque chose. Donc, son idée, c'était plutôt que de pousser la poitrine par en dessous dans le corset, de la suspendre par les épaules, au niveau des épaules, en découpant le haut du corset et en y mettant des bretelles. Alors, elle a appelé ça un maintien-gorge, elle l'a fait breveter 10 ans plus tard. Bon, c'est une invention, on l'a vu, c'est pas vraiment une invention, puisqu'il y avait ces espèces de soutien-gorge qui étaient des triangles dans les années 1500, retrouvés dans les fouilles en Autriche. Mais voilà, c'était une nouveauté. En fait, ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, c'est que le corset changeait énormément de forme parce qu'il était adopté en permanence par la majorité de la population et puis il fallait amener une nouvelle mode. Donc le corset s'est transformé très rapidement. Au début de 1900, on a vu le corset petit à petit se rétrécir, passer sous la poitrine et la poitrine n'être plus tenue que par la chemise. Et donc c'était pas forcément très confortable. Donc le soutien-gorge est apparu naturellement, je dirais, et déjà en 1905, on voit des publicités pour le soutien-gorge, avec ce nom-là. Soutien-gorge, où il y a bien les bonnets séparés et la poitrine maintenue, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se produit assez lentement. Il n'y a pas une invention comme ça, même si les Américains réclament la paternité du soutien-gorge 50 ans auparavant. Voilà, ça se fait assez progressivement. C'est quelque chose qui est fait quasiment à domicile. Les femmes pouvaient transformer un cache-corset en brassière, en fait, en soutien-gorge. Alors le moment clé, hein, c'est la Première Guerre mondiale qui marque la fin du sous-vêtement volumineux et rigide aussi, hein, Catherine. Oui, absolument. À ce moment-là, il faut bouger. Il y a nécessité pour la femme d'être active. Donc, elle ne peut pas s'encombrer de tous les froufrous, de toute cette lingerie pléthorique du début du XXe siècle. Et là, les sous-vêtements se simplifient. Véritablement, le corset se sépare en deux parties. D'une part, le soutien-gorge pour le haut et la culotte gaine pour le bas. Et ça s'observe. On le voit dans les catalogues de vente par correspondance, dans les catalogues commerciaux des grands magasins notamment, où on voit la lingerie raccourcir, comme le vêtement, et se simplifier. Donc une fonctionnalité qui est plus grande et une praticité pour la femme qui est aussi beaucoup plus efficace. Voilà. Alors finalement, Denis Bonnat, le souci du confort dans le sous-vêtement, c'est quelque chose qui apparaît assez récemment. En effet, c'est vraiment très tard. C'est-à-dire qu'on a voulu c'est-à-dire que l'idée du confort, c'est, comme disait Catherine Norman il y a quelques instants, c'est arrivé peut-être dans la seconde moitié du XXe siècle. On a commencé à vouloir porter des vêtements beaucoup plus légers, avec moins d'artifices, moins de dessous. Ça a été surtout essentiel à partir des années 1960, avec les enfants du baby-boom, qui ne voulaient surtout plus ressembler à la génération précédente, à celle de leurs parents. Par conséquent, il y a eu les modes donc des cheveux, qui étaient aussi différentes. Les jeunes hommes de cette époque, la fin des années 70, début 70, ne voulaient plus porter le petit complet veston de leur père. Les jeunes femmes ne voulaient plus porter la robe typique des années 50, très cintrée au niveau de la taille, avec notamment la poitrine haute. Et là, il y a eu vraiment une véritable quête du confort. Mais après de dire que qu'on en avait fini avec à la fois le sous-vêtement, la silhouette et le fait de façonner la silhouette, non. Non, parce que même si aujourd'hui on ne porte plus de corset, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu quand même un retour de la lingerie structurante dans les années notamment 2010. On a vu notamment dans les années 1990 l'arrivée d'un soutien-gorge essentiel qui est bien sûr le soutien-gorge ampliforme, avec précisément donc toute une flopée de publicités très bien faites, hein. Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit dans les yeux, et qui permettait notamment d'amplifier bien sûr le volume de la poitrine. Il y a eu aussi une lingerie structurante pour les hommes, donc on peut remonter les fesses, on peut également mettre une coque sur le devant de son slip pour montrer peut-être qu'on est un peu plus viril, hein, ce qui rappelle bien sûr les fameuses braguettes du 16e siècle. Il y a aussi des slip gaines pour les hommes, donc avec une grosse bande élastique sur le ventre. Mais à côté de tout ça, je dirais, est-ce qu'on intervient moins sur son corps pour précisément avoir la silhouette imposée par le temps ? Non, je ne crois pas. Qui n'a pas fait un régime ? Précisément pour avoir une belle taille et pour pouvoir ressembler à je ne sais qui. Qui ne fait pas du sport ? Précisément, c'est-à-dire il faut que je perde un petit peu de ventre. Et qui n'a pas été tenté une fois en disant, en passant précisément par la chirurgie esthétique. Vous savez qu'on critique très souvent en disant oh, le 19e siècle, le corset, c'est épouvantable. Mais il faut peut-être aussi imaginer comment regarderont nos descendants précisément l'intervention que l'on fait sur le corps aujourd'hui. Catherine Ormen ? Oui, le corset est devenu mental. C'est vrai que régime, sport, chirurgie esthétique, produits cosmétiques, etc. On peut faire plein de choses. Mais je pense pour mettre son corps dans une certaine norme. Bien qu'en ce moment, je trouve que cette norme, elle évolue assez vite. Je voudrais revenir sur une des dernières révolutions, et elle vient du textile. Après le nylon, il y a eu l'élastane. L'élastane, dès le début des années 60, qui va rendre élastiques les bretelles, mais qui va surtout, au cours des années 80, se diffuser aussi bien dans les sous-vêtements que dans les vêtements, et qui va permettre d'élasticiser de rendre plus confortable, en fait, ce qu'on porte à même la peau. Et même cette lingerie est devenue intelligente, c'est-à-dire qu'elle est capable de cibler certaines parties du corps et d'exercer une contention plus forte sur certaines parties du corps. Donc de sculpter littéralement le corps, ce qu'on disait avec ce que Denis disait parlant du shapewear. Et donc ça, c'est quand même très important, cette emprise du sous-vêtement sur le corps encore de nos jours, même si le confort est intervenu entre-temps, parce que c'est beaucoup plus confortable qu'auparavant. On arrive déjà à la fin de cette émission et merci d'avoir dressé le portrait de cette emprise du sous-vêtement. Merci Denis Brunat, merci Catherine Ormen. C'était passionnant. Le fin mot de cette histoire du sous-vêtement revient à la grande Juliette Gréco pour notre générique de fin. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer, me captiver, déshabillez-moi, déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue, peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Merci à toute l'équipe d'Eureka, Anne Toscane Judès, Éléonore Pérez, Mariam Ibrahim, Antonin Amberger, Nicolas à la réalisation et Dalia à la technique. Alors toute la semaine, on continue d'explorer les histoires des grandes inventions et découvertes de l'humanité. Demain, c'est notre planète que nous mettrons à nu, puisque nous parlerons de la découverte de la rotondité du monde. Demain, à 16h. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer. France Culture. L'esprit d'ouverture.